France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le curé Duruf, notre invité Jean-Pierre Bijoux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et auteur de cet ouvrage intitulé « Double crime de l'abbé Desnoyers, curé Duruf ». Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire? À l'époque, vous aviez une vingtaine d'années, je crois. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Je vais répondre à votre question, mais d'abord, en tant que psychanalyste et poète, car je suis aussi poète, Je voudrais nous mettre sous le patronage d'un poète latin. Pardon de dire ça, mais restez dans cette position, parce que oui, là, on vous entend mieux. Approchez-vous. Voilà. Oui. Très bien, merci. Je voudrais nous mettre sous la protection d'un poète latin qui a dit « Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Mmh. » Pourquoi j'en viens à cette citation? C'est que, si vous voulez, ce qui a déclenché chez moi la nécessité d'écrire ce livre, longtemps après les faits, dont je parlerai tout à l'heure, c'est la publication d'un livre de Jean-François Colosimo qui s'intitulait « Le jour de la colère de Dieu ». Ce livre m'a bouleversé, m'a révolté, car cet auteur, par ailleurs excellent, exposer que le curé Duruf avait été la victime de Satan. C'était un homme possédé, et que le crime ne semblait avoir d'explication qu'à travers cette grille de lecture. Alors, si vous voulez, cela m'a bouleversé. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, à l'époque où j'ai lu ce livre, j'étais déjà psychanalyste, et j'étais payé, si vous voulez, pour savoir que la perversion de l'homme, sous des formes moyennes en tout cas, est plus répandue qu'on ne veut bien l'imaginer. Je m'étonne toujours d'ailleurs qu'on ait tant de mal à l'imaginer quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais enfin, c'est ainsi. Et si vous voulez, j'ai éprouvé une colère d'autant plus grande que d'une certaine façon, je me suis identifié au curé Duruf. Ça peut vous paraître monstrueux. Non, mais étonnant. Au moins étonnant. Étonnant. Pourquoi? Et je me suis identifié pour les raisons suivantes. J'ai vécu une jeunesse assez proche de celle du curé Duruf, en ce sens que, de par l'âge, je me suis trouvé vivre la guerre. Et d'autre part, j'ai vécu dans un milieu paysan ou très lié à la terre. Et d'autre part encore, j'ai connu de très près le monde clérical. Je l'ai connu de si près d'ailleurs que j'ai failli en faire partie. Mmh. Pour la raison d'ailleurs très simple et qui peut ouvrir des horizons. Et pendant la guerre, sous les bombardements, alors que j'avais 14 ans en Normandie, ma mère m'a demandé de prier le bon Dieu pour que nous soyons sauvés, et si nous l'étions, de m'engager à devenir prêtre. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner dans l'esprit d'un enfant que de se sentir lié par un vœu qui n'est pas le sien. Donc, pardon de vous couper, mais vous savez, 20 minutes, ça passe très très vite, donc je suis un petit obligé de le faire. Oui, oui. De ce que je comprends, il y a toutes ces dimensions-là dans cette affaire qui vous renvoient aussi à votre vie, qui ont constitué la motivation pour aller jusqu'à écrire un livre de cette affaire-là. Oui, oui. D'autant que, en effet, pour avoir approché, comme je vous l'ai dit, les prêtres, à la fois dans ma jeunesse, à l'école, et aussi dans mon travail, et plus récemment, si je puis dire, dans les thérapies de prêtres que j'ai pu faire, si vous voulez, j'ai compris que la difficulté des prêtres par rapport à la sexualité était une difficulté très importante sur laquelle on jette depuis toujours le voile de Noé. Mais on ne veut pas le savoir. J'ai entendu dans mon cabinet des séminaristes qui me parlaient de leurs difficultés sexuelles dans le cadre du séminaire, Or, quand, il y a quelques 2 ans, j'ai entendu et où j'ai vu à la télévision une émission sur la pédophilie où le supérieur du grand séminaire de Paris était censé intervenir et n'a dit que « prions Dieu », j'ai compris qu'on ne voulait pas savoir. Alors, est-ce que ça veut dire que le coupable, c'est lui, hein, bien sûr. Évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que derrière lui, le célibat des prêtres, le statut du célibat des prêtres, porte une vraie responsabilité dans ce genre d'affaires? Alors, écoutez, je ne le dirai pas de cette façon. Je pense que le célibat, pourquoi pas, si vous voulez. Ce qui me paraît évident, c'est qu'on ne peut pas évacuer la question de la sexualité, même si on ne l'exerce pas. Mmh. Et que, sur ce chapitre-là, la philosophie de l'Église est très imparfaite, sinon plus. Hein. Voilà ce que je pense. Je ne pense pas que le curé du Rus, s'il s'était marié, en supposant qu'il puisse rester prêtre et marié, n'aurait pas eu des difficultés. Mmh. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il aurait peut-être été accompagné, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, il est vrai que l'Église s'est émue quand même de ses problèmes, et que, comme je viens de le dire, on fait appel même de temps en temps à un spécialiste. Là, c'est pas la même époque. Hein. C'est pas la même époque. Mais à l'époque où nous nous trouvons, alors je reviens justement en arrière, puisque j'avais 26 ans à l'époque des événements, si vous voulez, l'Église était dans une situation d'ailleurs très difficile, puisqu'elle sortait d'une période d'occupation où la France avait été catholique par principe, si je puis dire, hein, et où l'Église avait un peu la voix décisive sur beaucoup de choses, quoi qu'on ait dit, en tout cas dans le fond des campagnes, je peux vous assurer qu'elle avait une présence très importante, et d'autre part, les évolutions, une douzaine d'années après la fin de la guerre, les évolutions sociales ont poussé l'Église à prendre des positions nouvelles, par exemple les prêtres ouvriers, qui ont correspondu à une époque où, si vous voulez, on pensait que le prêtre devait vivre plus près de la vie réelle. Mais alors, comment faire avec les pulsions d'un être humain, si vous voulez, si on le confronte à la vie réelle, sans lui donner les moyens de gérer ça? Beaucoup de prêtres répondent, si nous n'avons pas de vie maritale et sexuelle, c'est parce que ça nous empêcherait d'être au service des autres et de pouvoir les écouter. Hein. Oui. Ils répondent ça, enfin, ça les regarde. Oui. Alors, on a compris maintenant pourquoi, vous venez de l'expliquer, il a pas été encadré. Oui. Mais lui-même, c'est quoi son engagement? C'est un engagement ecclésiastique sincère? Il est fait pour ça? Ou alors il y a une déviance, ou il n'était pas fait pour ça? Malheureusement, je ne peux répondre qu'en normand, évidemment, d'abord parce que, bon, nous n'avons pas les éléments qui nous permettraient de juger au fond, mais vraisemblablement, il y a de tout dans cette affaire. Je pense que il a été engagé dans la prêtrise, on l'a dit et redit, sous des pressions plus ou moins directes, hein, que moi j'ai vu de très près, puisque j'ai vécu dans un petit séminaire où j'ai vu des jeunes gens qui venaient précisément du même milieu que lui et qui étaient là parce que tout le monde le voulait. Enfin, c'est pas si simple que ça, bien sûr. On peut pas faire abstraction de leur propre volonté, mais quand même, il y avait une forte pression sociale. Faut dire que l'image du prêtre à la campagne, comme l'avait été celle de l'instituteur, l'était encore d'ailleurs, c'était aussi une image de promotion sociale. Bon, ce qui ne veut pas dire que la foi n'était pas présente et qu'il n'y avait pas une sincérité. Moi, je pense que chez le curé du Ruf, il y a une foi sincère, mais ça ne règle pas tout. Bien sûr. Et alors, sa victime, Régine, qui est-elle? C'est la meilleure amie d'une certaine Michel, hein, qui a connu aussi le prêtre. C'est une ouvrière. Qui est cette jeune femme? Écoutez, j'en sais aussi peu que vous, hein. On sait assez peu de choses, hein. Ce qu'on sait surtout, c'est que les relations quand même qu'il avait avec ces jeunes femmes, parfois des jeunes filles, hein, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes d'attouchement et de choses qui n'ont pas été répertoriées de façon très claire, mais il est évident que son rapport avec les femmes était traversé par une sorte de curiosité mal gérée, et que au bout d'une curiosité mal gérée, vous savez ce que c'est que la curiosité des enfants, elle va jusqu'à ce que l'enfant qui s'intéresse à l'insecte lui arrache les pattes. Je veux dire que la curiosité sexuelle, elle est à la fois dynamique, mais elle est porteuse aussi de pulsions agressives qui peuvent aller très loin, hein. Et en ce qui concerne Desnoyers, je pense qu'il a été débordé par ces pulsions. Il n'en a pas eu probablement conscience. Alors, il est débordé aussi par des choix étranges. Après tout, il n'est évidemment pas obligé d'aller jusqu'à ce geste horrible. Il aurait pu être buté, alors c'est suicidé, encore faut-il avoir le courage, mais ou autre chose, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce geste? Comment? Alors, vous n'êtes pas profiler, comme disent les Américains, il faut le profiler criminellement. Enfin, quand même, comment expliquer ce geste-là alors que d'autres étaient possibles? Ah, écoutez, bon... Parce que c'est le geste ultime. Oui. On est bien d'accord que Desnoyers n'est pas fou au sens de la maladie mentale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que les degrés de folie, entre guillemets, sont multiples. Je veux dire qu'il y a tout de même des tas de gens qui vivent par moments des absences et qui commettent des actes dont ils tâchent de supporter les conséquences, mais on peut imaginer qu'ils se soient installés dans une espèce de situation ingérable où sa propre conscience a évacué une partie de la réalité. Quand il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, moi je le crois. Je pense qu'en effet, il y a eu une espèce de passage à l'acte délirant, si vous voulez, mais qui ne signe pas un délire permanent chez lui du tout. On a d'ailleurs d'autres exemples qui ne sont pas sans intérêt. Et par exemple, moi j'étais amené à étudier dans mon travail le problème des mères infanticides, les mères qui tuent leur enfant à la naissance. Bon, des tas d'études ont été faites là-dessus, et elles tendent à démontrer que on peut avoir affaire à un acte passager. Un acte délirant qui, si je le cite, ça n'est pas par hasard, s'attaque à l'enfant. Parce que je pense que l'objet quand même le plus épouvantable, si dans le degré d'épouvantable on peut faire un choix, c'est quand même le meurtre de cet enfant et cette espèce d'acharnement. Acharnement, c'est ça. À le défigurer. Ce qu'on a dit, bon, évidemment, si vous voulez, les pauvres jurés et les juges sont condamnés à faire avec les moyens du bord, avec des moyens rationnels. Alors qu'il y a de la symbolique. Qu'il y a tellement de symbolique. Alors, on dit, bon, bien sûr, ils voulaient pas qu'on le reconnaisse, mais je pense que c'est une explication à minima. Bien sûr. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Et moi, mon hypothèse de psychanalyste, c'est qu'il est en train de se tuer lui-même. De lui-même, bien sûr. À travers l'enfant qui pourrait lui ressembler. Il se tue lui-même. Est-ce qu'il y a également dans ce drame, il brosse quoi? On pourrait appeler une mécanique du péché avec l'absolution, parce que c'est un ecclésiastique. Oui. Est-ce qu'il y a le côté, je tue, mais je serai absous, parce que... Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a certainement, dans la représentation du monde d'un prêtre de ce type-là, en tout cas, une espèce de difficulté à situer la frontière entre le naturel et le surnaturel, entre ce monde-ci et l'autre. Je pense que ça n'est pas si clair que ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est une affaire, à force de parler avec vous, je m'aperçois, même si je suis baudoré un peu, que c'est une affaire qui est porteuse de beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Hein. Bien sûr. Mais je pense que si elle a fait tant de bruit, oui. C'est un peu à cause de cela. C'est bien sûr que la monstruosité des faits, entre guillemets, a frappé l'opinion. Et la presse. Mais en même temps, l'interrogation, qui n'a jamais d'ailleurs été vraiment formulée sur le fond, elle a certainement travailler l'opinion publique. Et à cet égard, le silence de l'Église et les bonnes paroles ont été catastrophiques. Et on y arrive. Par le procès. Où l'Église est absente. Oui. Refus d'assumer les déviances de son magistère avec certains curés, Desnoyers en particulier. Quel est votre regard sur ce procès, la façon dont il s'est déroulé? Oh, c'est un procès à minima, si vous voulez. Il est évident que toucher à l'image du prêtre, fallait bien le faire, mais c'était dans une société qui se cherchait elle-même, je le redis, à cette époque de l'après-guerre, c'était réellement dangereux. Je pense que là, on a mis en avant les pressions de l'Église. Bon, c'est possible, mais je crois que c'est même pas nécessaire. Je pense que l'image du prêtre faisait partie quand même des éléments soudant, ce qui soudait un peu cette société, même si les gens allaient moins à la messe, encore qu'ils y allaient encore pas mal. Dans les années 50, oui. Encore. Mais bon, je crois que là, il y a eu une espèce d'attitude d'autodéfense de la société. Si vous voulez, là-dessus, je pense qu'on a trop vite fait d'accuser l'Église. Hein. L'Église, elle faisait partie de la société, tout ça. Oui, enfin, l'Église, en même temps, n'a jamais prétendu être une institution démocratique. Par ailleurs. Tout le monde sait que quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence non plus. Voilà, donc il y a une certaine logique musique infernale. On va écouter une archive ensemble. En 1978, 20 ans après sa condamnation, Guy Desnoyers, qui était devenu le plus ancien détenu français, hein, d'ailleurs, obtient une libération conditionnelle. On va écouter deux témoignages d'habitants du RUF. Donc interrogé à la suite de cette libération de la baie, vous allez voir à quel point les souvenirs, évidemment, sont vifs. Oublier, non. Non, oublier, c'est beaucoup dire. Mais ils cherchent à oublier. Tout du moins, ils ne veulent plus y penser. Vous croyez que depuis 22 ans, ils ont essayé de chercher ce qui avait motivé l'acte du curé du RUF? Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent, mais enfin, de toute façon. Non, on veut oublier, et puis c'est tout. Hein. Ah, pour moi, qui ai vu le spectacle, le triste spectacle, je trouve qu'il n'a pas payé, parce que une jeune fille de 20 ans est ventrée, un gosse entre les jambes, la figure mutilée. On ne peut pas oublier ça, et jamais je n'oublierai cette vision-là. Et la population du RUF? La population du RUF, c'était une population laborieuse, d'ouvriers, verriers, de cultivateurs. Est-ce qu'elle a changé après? Non, la population n'a pas changé. Au contraire, je crois même vis-à-vis de la religion qu'a eu un regain de foi. Regain de foi. Oui, je suis allé sur les lieux deux ou trois ans après le crime. Et j'avais espéré prendre contact avec les gens. Bon, je suis allé au bistrot et j'ai compris que c'était peut-être pas... Pas la peine, quoi. Non, c'était pas la peine. Par contre, je suis allé sur les lieux du crime. Et je dois dire que j'ai été très ému en voyant ce pays, cette terre, et ce crime lié à la terre. Pourquoi crime lié à la terre? C'est là où je manque, et nous manquons d'informations sur ce qu'a été l'enfance de cet homme. Je m'en suis rapporté à ce que j'avais vécu moi-même, puisque j'ai vécu à la terre, et j'ai vécu aussi ce rapport étrange entre la vie et la mort que le contact avec les animaux nous oblige à intégrer, si vous voulez. On n'est pas tout à fait dans la même culture, bien sûr que celle d'aujourd'hui, et même à l'époque, c'est une culture assez particulière. Pardon, je vais un peu vite, mais l'heure tourne. Oui, oui. Quelque chose m'intrigue dans le récit. Pourquoi Desnoyers dit-il le soir du drame « Je connais l'assassin » Écoutez, je trouve que c'est une parole d'une grande vérité. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est lui. Mais enfin bon, c'est pas ce que vous voulez me dire. Mais c'est une grande vérité dans le sens où, effectivement, il ajoute qu'il est lié par le secret de la confession. Et moi je dirais, il est lié par le secret de l'inconscient. C'est-à-dire que ça se passe à la fois en lui et ailleurs. Et c'est ce mélange, si vous voulez, qui est troublant pour nous tous, évidemment, et qui va au-delà du meurtre. Comment faire l'unité dans ce que nous sommes? Mais est-ce que c'est une circonstance atténuante? Ça, je ne me place pas du point de vue de la justice. Hein. J'aurais tendance à penser que ça n'en est pas une. Mmh. Qu'est-ce se passe-t-il? Alors, il meurt en 2010, hein, Desnoyers. Oui. Il se passe quoi entre sa libération conditionnelle en 78 et 2010? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fini dans un couvent. Un couvent. J'ai eu rencontré quelqu'un qui l'a connu et qui m'a dit c'est un type tout à fait sympathique, pas très causant, mais très gentil, très serviable. Ce que d'ailleurs tout le monde a dit de son passage à URUF. Combien d'assassins sont-ils décrits comme des gens avant le crime, serviables, gentils? Oh, on n'aurait jamais cru que ce monsieur-là. Ça, c'est assez classique. Hein. Oui, mais ce qui devrait donner à réfléchir. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. C'est pourquoi. Oui. Bien sûr, pardon. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pensez que dans cette affaire et dans le procès, et pas que dans le procès d'ailleurs, dans toute affaire, on a assisté quelque part à l'affrontement entre la justice des hommes et la justice de Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a ça qui traîne un peu tout le long de l'histoire? Oui, probablement. C'est ce qui justifie un peu le livre dont je vous ai dit qu'il m'avait bouleversé. Hein, effectivement, on fait appel à Dieu. C'était une façon de boucler la boucle, oui. Cher Jean-Pierre Bigeaud. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le curé de Ruff, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la Grande-Bretagne, quand la Grande-Bretagne voulait faire partie de l'Europe, et vous verrez à quel point les conditions de son admission étaient difficiles.